RFM.fr. Vous êtes sur Campus FM 94 FM à Toulouse ou sur le www.campusfm.net partout sur la planète. Nous sommes le jeudi 30 novembre 2017, il est 18h et il est l'heure de rien avoir quoique sur Campus FM, des interviews, des reportages, des tables rondes, des portraits, des chroniques autour de la culture, des cultures à Toulouse et ses environs. On est ensemble jusqu'à 19h en direct sur le 92 FM. Au programme de cette toute nouvelle émission, je vous propose une interview de Franck Lubet, programmateur à la Cinémathèque de Toulouse à l'occasion de la Semaine du cinéma colombien. C'est dans le cadre de l'année Franco-Colombie 2017 qui se termine en décembre. Et puis, puisque rien à voir quoique ne fait pas de transition, passe du coq à l'âne et dit tout et son contraire, je vous propose trois autres rendez-vous dans cette émission. Coup de cœur ou coup de gueule de nos trois chroniqueurs. Il y a le moment musical d'Edgar, l'instant philo de Ambre et enfin la chronique ciné ou concert de Hugues. Bonsoir Ambre. Bonsoir. Bonsoir Edgar. Salut. Et Hugues qui nous rejoindra plus tard dans les studios. Et c'est François qui est encore à la réalisation technique de l'émission. Merci François qui n'a pas de micro. C'est aussi ça, c'est pas que de la musique, c'est 94. C'est du sens. Donne du sens à ta prise de parole, ok Jean? Campus. Edgar, vas-tu nous donner du sens à ta prise de parole? Je vais essayer en tout cas, En tout cas, je vais vous parler d'un concert qui aura lieu prochainement, le 7 décembre pour être plus précis, et ça se passera aux Connexions. Alors au programme, c'est un groupe d'électropop qui nous vient de Lyon, j'ai nommé Olitou. Alors tout d'abord, il faut noter que c'est une date un peu particulière pour le Connexion, puisqu'elle marque le grand retour de la salle en tant que producteur de concerts. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais à chaque concert qui a lieu dans là-bas, c'était obligatoirement des productions externes, et ce depuis un petit bout de temps en fait. Alors sauf que la salle, elle avait à cœur de justement remettre à jour ce projet, et de reprogrammer ses propres artistes, ce qu'on peut comprendre notamment. Alors autant vous dire que le Connexion, il attend beaucoup de cette soirée. Et pour ouvrir le bal, c'est un petit groupe local du nom de The 17 qui se chargera d'assurer la première partie. Un tout jeune duo toulousain, toujours dans ce style électropop, composé de Maeva et Nolwenn. Petite précision au passage, Nolwenn c'est un garçon. Okay. C'est breton. C'est breton. Ouais, c'est ça, c'est toujours les bretons. Et si je dis tout jeune duo, c'est parce que ça fait un an seulement qu'ils travaillent ensemble. Une année durant laquelle ils sont parvenus à sortir un EP éponyme. Et ils se sont fait connaître et remarquer grâce à un tremplin qui s'appelle Musique de rue. Alors rue à comprendre comme restaurant universitaire, parce que c'est un tremplin musical organisé par le Crous, d'où le splendide jeu de mots. Alors je sais pas si c'est réellement gratifiant de faire de la musique de restaurant universitaire, mais n'empêche que à eux ça leur a bien réussi, puisque le jury a été contraint de créer un prix spécial rien que pour eux, le prix coup de cœur du jury. Alors dans le jury en question, il y avait justement le Connexion, et évidemment, ils font partie des membres à avoir eu un coup de cœur pour ce groupe, d'où le fait qu'ils soient programmés lors d'une soirée si importante pour la salle. C'est quand même pratique, un tremplin. Du coup, je vous propose d'écouter un extrait, en tout cas, d'un de leurs morceaux. Le morceau s'appelle « Vénus » par The 17. Voilà, voilà pour ce qui est de The Seventeen. Qu'est-ce que vous en pensez pas alors? Pas mal, pas mal, j'aime beaucoup. Ouais. C'est planant, c'est sympa. C'est ça. Et c'est toulousain. Très bonne atmosphère. Mais la tête d'affiche de la soirée, ça reste Oli Too. Et vous l'aurez peut-être deviné, un petit indice dans le nom. Là encore, c'est un duo. Et une fois n'est pas coutume, ce duo, lui aussi, est composé d'une fille et d'un garçon, d'Elodie et Adrien. Alors Oli Too, ça reste un projet assez jeune ici aussi, mais avec une année de plus seulement, puisque c'est en 2015 que leur aventure commence, pardon, en sortant un premier EP nommé A Lover's Complaint. Et c'est suite à cet EP qu'ils ont été sélectionnés par les Inuits du Printemps de Bourges, ce qui a permis de lancer leur carrière. En même temps, il y a pire comme coup de pouce. Enfin voilà, ils ont pu faire une tournée nationale. Personnellement, c'est à Roubaix que je les ai découverts, et les voici qui arrivent à Toulouse. C'est vraiment toute la France. Et depuis, ils ont quand même sorti un album et deux autres EP, dont un cet automne nommé Misunderstood. Alors ils chôment pas, et grâce à cette discographie, on peut voir qu'il y a une vraie évolution dans leur musique. Ils ont gagné en maturité, ils osent plus de choses, parce qu'à leur début, je trouvais que c'était une électropop bien léchée, mais quand même assez classique. Alors que maintenant, je pense pas qu'on puisse vraiment les catégoriser dans ce seul domaine. Il mixe pas mal de styles, toujours sur une base électro bien sûr, mais à laquelle on peut rajouter des sonorités post-rock ou même rap par moment. Et le morceau que je vais vous passer là dans quelques secondes, par exemple, il fait une ouverture à base de spoken word, un style musical particulièrement délaissé par des genres comme l'électropop, mais du coup ça prouve leur volonté d'explorer, et c'est tant mieux. Alors le morceau s'appelle Misunderstood, comme l'EP d'ailleurs, et c'est Oli Too. I still know my name. I know the rules of the game. I know the dark side of success and fame. I know which has taught me such a scary theory about the world we live in. I got all the cards in my hand to rule the world that lives in my head. I was born in the south. And then one day I moved to the east. It's not a word from my mouth. I think it should have believed. I'm at the cross of my life, but I know I'm not the first. Oh God, let there be light. I am lost in the darkness of the night, and the Lord did according to holy word of Moses. Turn the lights and the chairs, left me without any choices, and they gathered them together, ran on their holy horses. I was born in the south. And then I moved to the east. It's not from my mouth. I think I should have believed. I was born in the south. And then I moved to the east. It's not from my mouth. I think I should have believed. You don't know me. Daya? Would you believe that? Swear to God, I gotta get a new way to deny. I deny the rumor. Your mind is not my main priority. If it was, I'd probably be killing me. Mark my ears to say that one day I would change and let down my friends. Though I try my best, I think I won't let me. Try, you might be disappointed, because a million of your voices will overcome the million voices which are running in my head. But you won't believe that's the life for which I'm done. I was born in the south, and then I moved to the east. It's not from my mouth. I think I should have believed. I was born in the south, and then I moved to the east. And c'était Holy Too. Je rappelle du coup les dates. C'est pour le jeudi 7 décembre. La semaine prochaine. La semaine prochaine déjà, ouais, aux Connexions. Alors c'est au 8 rue Gabriel Péri et c'est à 8 euros en pré-vente et 10 euros sur place. Merci, merci Edgar. I know the dark side of success and fame. I still don't know my name. C'était un nouveau jingle sur Campus FM. Depuis le 23 juin jusqu'au 17 décembre, on célèbre l'année croisée France-Colombie. C'est une initiative qui a pour ambition de renforcer les relations bilatérales entre la France et la Colombie, déjà en plein essor, et d'apporter un nouveau regard de la France en Colombie et de la Colombie en France. Une Colombie qui tourne le dos à 52 ans de conflits armés après la signature le 26 septembre 2016. C'est très récent, d'un accord de paix historique entre la guérilla des FARC et le gouvernement colombien, couronné par le Nobel de la paix. Pour cette année croisée France-Colombie, ce sont plus de 250 événements organisés dans toute la France. Alors à Toulouse, il y a eu entre autres le festival de musique Locumbia. Et oui, nous dit Edgar, le spectacle Les fins diffusent des choses par la compagnie Tilde et Cédille, d'après un texte de théâtre inédit en France de Carlos Enrique. Et puis toujours l'exposition Medellin, une histoire colombienne des années 50 à aujourd'hui, à découvrir au musée des abattoirs jusqu'au 21 juin 2018. Et ce soir, dans Rien à voir quoique sur Campus FM, on va parler plus particulièrement de cinéma colombien, puisque dans le cadre de cette année croisée France-Colombie 2017, avec le soutien de l'Institut français et la ville de Toulouse, en partenariat avec Poitiers Film Festival, la Cinémathèque de Toulouse propose une semaine de cinéma colombien, c'est du 5 au 9 décembre prochain. Cette semaine, mardi, je suis allée à la rencontre de Franck Lubet. Il est responsable de la programmation à la Cinémathèque de Toulouse et c'est aussi un habitué de Campus FM puisqu'il vient très souvent décortiquer l'actualité cinéma dans l'émission Le 7e Passager. C'est un mardi sur deux à 18h avec Lucas et son équipe de cinéphiles. On écoute la première partie de l'interview de Franck Lubet à la Cinémathèque de Toulouse. Bonsoir Franck Lubet, merci de me recevoir à la Cinémathèque de Toulouse rue du Thor pour Rien à voir quoique sur Campus FM. D'une façon générale, sur une année entière, comment on établit la programmation d'une cinémathèque, en l'occurrence celle de Toulouse? Il y a les festivals qui reviennent chaque année, il y a des actualités, il y a des anniversaires, mais encore. C'est d'abord une question d'équilibre, et c'est d'essayer de garder un équilibre tout au long de la saison et proposer des choses diverses et variées, que ce soit du grand classique du cinéma, par exemple Clouseau en ce moment, où on fait une rétrospective Clouseau, mais aussi aller un peu plus dans des marges cinématographiques comme on a fait avec Ciné España par exemple sur le cinéma kinky ou Derek Jarman. Voilà, on essaie toujours d'être assez varié sur toute la saison quand on travaille sur la saison, à la fois travailler des monographies parce que c'est quand même assez important, travailler des genres cinématographiques, travailler ce qu'on appelle les programmations thématiques, partir d'une thématique et voir comment des films, et on peut travailler sur toute l'histoire du cinéma, toute nationalité, tout genre confondu autour d'une thématique qui reste toujours quand même liée au cinéma. Et puis aussi travailler sur des cinématographies nationales, ce qu'on fait là par exemple avec cette semaine consacrée au cinéma colombien. Justement, quand avez-vous appris l'organisation de l'année Franco-Colombie en 2017? Est-ce que vous vous souvenez? Ça doit être en 2016 quand on en a parlé, parce que ça se travaille en amont, ça se prépare en amont, et puis là d'autant plus que c'est une programmation qu'on a travaillée en collaboration avec la Cinémathèque française, qui fait aussi au même moment. Et puis on a travaillé aussi avec le Festival de cinéma de Poitiers, comme il y a des cinéastes qui viennent et qui sont sur le territoire, donc il fallait qu'on se coordonne pour avoir une meilleure circulation qui puisse être un peu dans tous les lieux, dans ces différents lieux. Et alors vous les avez choisis comment, ces cinéastes? D'abord en discutant avec les collègues de Paris aussi, donc il y avait des choix, des profils l'idée au départ, ça on était d'accord là-dessus, c'était de travailler, de mettre en regard le cinéma contemporain, c'est-à-dire avec des jeunes les jeunes cinéastes aujourd'hui qui sont connus dans les films sortent, dans les films sortent en France et ont écumé vraiment les festivals. Donc toute cette jeune génération, et l'idée c'était de leur demander aussi d'avoir un regard sur le cinéma passé colombien. Donc c'était vraiment de croiser le cinéma contemporain et donc le cinéma patrimonial du cinéma colombien sous forme de carte blanche. C'est eux qui choisissaient un film qui était en rapport avec leur cinéma et avec leur histoire et celle de leur pays. Donc à partir de là il y a forcément les cinéastes qui émergent dont on connaît les noms. Et ensuite on les a contactés, on dit nous ça nous intéresse d'avoir un tel ouais, tiens mais nous aussi et ensuite on y va, on les contacte, on leur écrit et puis c'est de voir s'ils sont disponibles à nos dates. C'est toujours compliqué parce qu'on travaille des mois à l'avance. Par exemple, Ciro Guerra ne pourra pas être là puisque il est pris par la post-production de son prochain film. Voilà, ça c'est des choses qu'on apprend il y a 15 jours. Mais on peut rien faire. On peut pas lui en vouloir. On va pas lui dire ah ben non, tu t'es engagé, tu viens. Il travaille sur un film et ben il le termine. On sait, ça fait partie du jeu. Donc voilà, on l'aura pas. Alors je vais citer les cinéastes, ils sont donc trois, puisque Ciro Guerra ne pourra pas venir. On montre quand même ses films, la programmation de ses films est toujours maintenue, c'est sauf que du coup il sera pas présent. Voilà. D'accord. Il y a aussi César Augusto Acevedo, Franco Loli et Nicolas Rincon Gilet. Ah, vous allez le dire parce que vraiment... Nicolas Rincon Gil. D'accord. Depuis le début des années 2000, le cinéma colombien est en plein essor et votre envie aussi à la Cinémathèque de Toulouse est de découvrir les racines de cette nouvelle vague de cinéma colombien tout en portant, je cite, un regard croisé sur l'histoire d'une cinématographie prise en étau entre le rouleau compresseur hollywoodien et le très prolifique cinéma mexicain en tenaille par la propre histoire de son pays. Un commentaire là-dessus, Franck Lubet? Oui, c'est moi qui l'ai écrit, absolument. Oui, parce que c'est il y a le cinéma hollywoodien, donc qui est un vrai rouleau compresseur et donc qui occupe beaucoup d'écrans en Colombie, ce qui fait que ça laisse peu de place pour le cinéma, la production colombienne et puis aussi le cinéma mexicain qui est aussi très puissant. Donc qui prend aussi beaucoup de place. Je pense peut-être moins aujourd'hui puisque on a une vraie émergence de nouveaux cinéastes et d'un vrai nouveau cinéma colombien. Mais par le passé, par exemple, le cinéma mexicain était très très présent. Et puis la question par rapport au pays, par rapport à l'histoire du pays, qui est quand même un pays qui politiquement a connu des heures assez sombres, donc difficile de faire du cinéma avec, je veux dire, oui, vraiment pris en tenaille entre du coup le cinéma américain donc qu'on peut avoir tendance à copier et aussi la difficulté politique qui fait que on va avoir du mal par exemple à sortir des villes jusque dans les années fin des années 80 90 c'était un cinéma extrêmement urbain, extrêmement violent. Ça c'est lié à la situation politique. Donc c'est-à-dire on va pas trop sortir parce qu'on sait pas trop si on va revenir. Donc forcément ça impacte aussi sur d'abord les sujets et puis même la forme et une esthétique cinématographique. C'est ce que dit absolument Ciro Guerra dans les Cahiers du cinéma lors de la sortie de L'étreinte du serpent, c'est en 2015, il dit « Nous étions habitués à avoir peur de notre pays, peur de voyager à l'intérieur des terres, car elles étaient dévastées par la guérilla et les forces illégales. Nous avons grandi prisonniers des villes. Le cinéma colombien des années 80-90 était un cinéma très urbain, comme celui de Victor Gaviria, des villes pleines de violence, d'insécurité, d'inégalité et de pauvreté. La génération actuelle tente de revenir à ces espaces abandonnés et de chercher en eux une véritable identité et pas celle des années 80-90 qui consistait à vouloir ressembler aux États-Unis ou à l'Europe. » Ce que dit là Ciro Guerra, est-ce que que c'est nettement visible dans le cinéma contemporain colombien que vous allez montrer ? Oui, je pense oui, complètement, parce que il y a vraiment, on sort de la ville, on interroge l'histoire aussi, une histoire plus récente, une histoire beaucoup plus ancienne, mais pour ça, du coup, c'est une histoire qui passe par finalement une exploration des territoires, une réappropriation des territoires, me semble-t-il, et par le cinéma. Le cinéma le permet, permet justement d'aller dans ces territoires qui étaient abandonnés à la guérilla ou aux milices, et du coup quelque part les civils, les gens dans le mot, se réapproprient leur histoire à travers le territoire. Vraiment, je trouve ça vraiment très intéressant, c'est-à-dire qu'on a quasiment une conjugaison du temps et de l'espace, et ce qui est quelque chose aussi de très cinématographique, qui est vraiment lié au cinéma, le cinéma dans sa définition même ontologique, et là il y a cette question de retrouver une mémoire, et ça passe par l'espace. Ça, c'est quelque chose je trouve d'extrêmement riche et d'extrêmement fort dans le cinéma colombien, qui fait qu'au-delà même de la qualité des films, il y a même on peut même ajouter un autre niveau de lecture, alors je sais pas, presque, enfin je sais pas, c'est pas métaphysique, mais dans cette question de se réapproprier la mémoire en travaillant ces espaces, c'est assez je trouve ça assez fort. Et rien à voir, quoique. www.campusfm.fr. Et on se retrouve dans un instant, le temps d'écouter Meda Igual par le groupe colombien Maite Ontele, sorti en 2015 sur l'album Te Voy a Querer. Et c'était le morceau Meda Igual par le groupe colombien Maite Ontele. De rien à voir quoique, on va bientôt écouter la seconde partie de l'interview de Franck Lubet, donc programmateur de la Cinémathèque de Toulouse, toujours à l'occasion de la semaine du cinéma colombien dans le cadre de l'année France-Colombie 2017. Semaine pendant laquelle quatre cinéastes colombiens vont présenter chacun un de leurs films, mais aussi un film de leur choix appartenant au patrimoine cinématographique colombien, avec La petite marchande de roses, Les condors ne meurent pas tous les jours, Rodrigo de No Futuro et El Río de las Tumbas, ça veut dire la rivière des tombes. Edgar, tu... Ouais, alors tu là, je ne parle pas du tout espagnol. Ça, c'est un film de 64 qui est l'un des films majeurs du cinéma colombien. C'est parti. Alors le film de Ciro Guerra que vous proposez, il est sorti en 2015, il est en noir et blanc, hein, ça s'appelle L'étreinte du serpent, El abrazo de la serpiente. Je cite encore, Ciro Guerra pose sa caméra dans une forêt amazonienne, au modèle rabattu du chercheur blanc plongé dans l'enfer vert. Guerra répond par deux récits entrelacés racontés pour une fois du point de vue des Indiens, deux époques, deux explorateurs, un chaman et la quête d'une plante mystérieuse. Ici, il sera plus question de communion que de colonisation. On écoute un extrait de la bande-annonce. Dañara David, de Cajenote, Iad, Puigo Baitañen, Tenomo Unubicate, Tainon and the Kite, Tenohapu. Inaco, Iguano, the Krimuru, Munda Kajum. Inomo, your crona baiti. Did you jive, baby? Koiwan na imak, ati kumahay tama. Tinoy ni tama. Gano kaupa si kumahay tama. Gano may na bituma. Tinoy ni tama. Nikay rito. Imak he na kahay imak bay. Koi mana ituma. Roira bituma imak buiri ay. On vient d'écouter un très court extrait de L'étreinte du serpent de Ciro Guerra. Franck Lubet, ce film-là, donc en 2015, en noir et blanc, on l'a dit, vous le situez où dans l'évolution de ce cinéma colombien contemporain ? Du coup, c'est un film que je mettrais en regard avec L'étreinte du fleuve de Nicolas Rinconril, qui est pareil aussi autour de la question du fleuve où les Indiens sont présents, la culture indienne, et par contre qui pour le coup est beaucoup plus contemporain, et sur les disparitions des corps qu'on retrouve, tout ça donc lié à la violence, hein, à la violence armée, et en même temps aussi qui renvoie à toute une culture indienne, à des mythes, et donc les deux films, je trouve, se répondent très très très bien. Le film de Nicolas étant un documentaire, mais qui sort vraiment, enfin c'est plus un rapport, enfin ou un rapport au réel, parce que enfin documentaire en tout cas pas dans ce qu'on a l'habitude de voir, c'est pas les 52 minutes de la télévision, c'est un film où il y a beaucoup de poésie qui pose énormément aussi les questions là de mémoire, question de d'une culture de retrouver, et ce fleuve qui est là, et les mythes et des mythes indiens qui sont liés, alors que le film de Ciro Guerra, pour le coup noir et blanc, donc une photo extrêmement bien travaillée, on est au cœur de la jungle, pareil le fleuve est extrêmement important, là c'est une histoire passée, beaucoup plus ancienne, et une autre forme de poésie, et toujours du politique, et parce qu'il y a vraiment quelque chose de politique, mais pas dans le politique qui est asséné, non, c'est toujours du politique lié à la poésie, et les deux se répondent très bien, les deux films. Ils ont un peu le même nom aussi. C'est vrai. C'est vrai. C'est peut-être pour ça aussi. Ça rajoute. Non, il faut voir les deux, absolument. Donc c'est L'étreinte du serpent et L'étreinte du fleuve. Oui. Alors il y a Franco Loli qui est invité aussi avec son long métrage Gente de Bien. Alors il est sorti en France en 2015. Il raconte l'histoire d'Eric. À 10 ans, lorsqu'il n'a quasiment jamais vu son père, Eric doit aller vivre avec lui, sa mère, devant quitter Bogota pour plusieurs mois. Le cinéaste filme à hauteur d'enfant et regarde le monde des adultes. Franck Loli a fait ses études en France. Il est diplômé de la FEMIS, l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son à Paris. Et lors du 23e festival de Biarritz Amérique Latine, on est en octobre 2014, dans l'émission de télé Des mots de minuit, Franco Loli répond à la question: est-ce que Gente de Bien est un film français ou un film colombien? Donc les films français, j'avais l'impression qu'ils ne m'importaient pas beaucoup. Justement, quand j'ai tenté le concours de la FEMIS, je me suis obligé à regarder beaucoup de films français parce que je connaissais très mal et j'avais peur de ne pas pouvoir dire que j'aimais un seul film français. Et c'est là que j'ai découvert Piala, qui est une grande référence dans mon cinéma. Et c'est un cinéaste duquel je me sens très proche. Film colombien, mon film est plus colombien que français, mais il est aussi français, parce que c'est une coproduction et j'ai fait toute la post-production, je l'ai faite ici. Et film colombien, il y en a beaucoup plus qu'avant. Il y en a 22 aujourd'hui en Colombie qui se tournent tous les ans, et il y en a très peu qui sont vraiment vus. Donc film colombien, c'est un peu une tragédie, quoi. Pour vous, Franck Lubet, Gente de Bien, est-ce que c'est un film français ou un film colombien? Bah, je pense que je vais reprendre ce que disait Franco Loli. Oui, c'est un film colombien de par l'action et un film français de par la production, post-production. Donc c'est, j'ai envie de dire que, comme on est en plus dans une année croisée, c'est un film franco-colombien ou colombiano-français. Alors Franco Loli, il a fait ses études à Paris, il vit entre la France et la Colombie. Nicolas Rinconril. Merci, a fait ses études à Bruxelles et vit lui entre la Belgique et la Colombie. Est-ce que c'est aussi ça, le nouveau cinéma colombien, des cinéastes qui ont fait des études de cinéma et qui vivent ailleurs qu'en Colombie? Alors ça, je sais pas, il faudrait vraiment leur poser la question aussi. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que forcément, ça impacte sur leur manière de faire du cinéma, puisque du coup, on est dans une école européenne et non pas une école nord-américaine, états-unienne. Ouais. Donc forcément, c'est pas tout à fait la même façon de concevoir des films. Donc ça, je pense que ça a un impact. Mais en même temps, comme on disait tout à l'heure, ça reste quand même, c'est pas des films français, c'est pas des films européens. Il peut y avoir un enseignement européen, mais il y a autre chose. Non, je pense que c'est quand même très colombien, c'est particulier. Et c'est vraiment une génération, vraiment nouvelle. Ça arrive comme ça dans des pays où, comme nous, on a eu la nouvelle vague à la fin des années 50, par exemple. Il y a ou dans les années 90, des Pleuchins et compagnie. Est-ce que programmer en France ces films-là peut avoir des échos en Colombie ou ailleurs dans le monde? Ouais, je pense que oui, ça a des échos. C'est pas tant qu'ils soient programmés en France et qu'ils sont programmés dans des festivals. Donc que ce soit ça peut être le festival de Cannes, mais ou ça peut être Berlin aussi, dans les gros festivals, forcément ça c'est important. Parce que après ça leur ouvre, je sais pas après pour la Colombie, si je pense que ça quand même doit avoir un impact, mais en tout cas sur le marché étranger, forcément du coup les films sont vendus. Donc même si je pense que c'est pas des films qui coûtent très très cher, même si l'exploitation en Colombie même, faudrait voir les chiffres, je connais pas les chiffres, donc il faudrait vraiment regarder, même si l'exploitation en Colombie même n'est pas mirobolante, le fait d'être présent dans des festivals fait que du coup ils vont être achetés et donc par les distributeurs et donc distribués, surtout s'ils ont des prix, s'ils sont en compète, et donc forcément ils vont faire de la billetterie et peut-être que l'exploitation à l'étranger permet de rentabiliser ce type de production. Encore une fois, il faudra regarder les chiffres. Hein. Alors il y a un autre moment fort dans cette semaine de cinéma colombien, c'est une rencontre avec donc les trois cinéastes animés par Nicolas Azalbert, critique de cinéma, et Amanda Rueda, maître de conférence. Ça c'est jeudi 7 décembre à 19h aussi à la Cinémathèque. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre qui sera suivie de la projection de Rodrigo de No Futuro de Victor Gaviria? C'est peut-être justement d'en savoir un peu plus de tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire d'avoir des sentiments un petit peu sur les choses, d'en savoir un peu plus, d'avoir peut-être un peu plus de certitude sur justement les questions qu'on vient de se poser ensemble. Voilà, donc vraiment de la situation actuelle du cinéma colombien, le pourquoi du comment, comment c'est arrivé, tout ce qu'on vient de dire et finalement de présupposer. Et là je pense qu'on aura une confirmation. Alors Amanda étant aussi fait partie de Ciné Latino et elle est colombienne et elle est maître de conférence, mais elle est aussi cinéaste, hein, elle a aussi fait des films, donc elle connaît très très très bien le sujet. Est mieux passé que moi pour en parler. Et Nicolas Azalbert, qui est un ancien de Toulouse, qui est passé par la Cinémathèque et qui est aussi un ami et qui est le spécialiste du cinéma latino-américain au Cahier du Cinéma. Donc là, on a deux personnes qui maîtrisent très très bien le sujet, à la fois la Colombie et le continent sud-américain. Donc ils sont plus à même d'amener justement les cinéastes à peut-être nous apporter des réponses aux questions que nous venons de nous poser. Je remercie encore Franck Lubet pour m'avoir reçu à la Cinémathèque de Toulouse. Alors je rappelle que la semaine du cinéma colombien a lieu à la Cinémathèque de Toulouse. C'est du 5 au 9 décembre prochain. Les tarifs des séances vont de 3,50€ à 7€. Toutes les infos sont sur le site www.lacinémathèquedetoulouse.com, rubrique agenda. Je tiens aussi à rappeler que la Cinémathèque de Toulouse, c'est aussi une bibliothèque ouverte à tous, où l'on peut consulter une documentation complète sur l'ensemble des aspects du 7e art. Elle est ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h et le jeudi de 14h à 19h30. Je vous invite également à déambuler au musée des abattoirs pour l'exposition Medellin, une histoire colombienne. C'est à voir jusqu'au 21 janvier 2018. On reste encore un petit peu en Colombie avec de la techno colombienne et le groupe Me Too. Le morceau s'appelle Fiebre. Il est sorti cette année sur l'album Cosmos. J'ai été faire des grèves, c'était toujours très important parce que s'exprimer, on est dans un pays qui Thomas, y a le suffrage universel. Tu m'entends? Attends, je te coupe juste deux secondes. Ouais. Alors. Radio Campus Toulouse 94 FM. Et dans Rien à voir quoique, on écoutait le morceau Fiebre par le groupe colombien Me Too. Ils seront en concert le 16 décembre au 104 à Paris pour la clôture de l'année France-Colombie 2017. Coup de cœur littéraire ou musicaux, rencontres artistiques, initiatives locales ou rien à voir quoique, c'est sur Campus FM et c'est maintenant avec l'Instophilon de Ambre. Bonsoir, alors j'ai découvert cette année France-Colombie 2017 seulement en septembre lors de l'exposition des abattoirs dont on a parlé précédemment. Medellin. C'est ça, c'est une super exposition d'ailleurs, donc aussi avec Franck Lubé dont on a écouté tout à l'heure l'interview, programmateur Cinémathèque de Toulouse. Je me suis aussi souvenue de l'exposition au centre BBB, donc à Toulouse, avec l'exposition de M. Sambaro qui nous interroge sur notre contrat social, ou le projet de Laura Hainaut qui aborde la question de la migration clandestine et des trafics humains. Je me suis rendu compte qu'il y a un peu ce retour de l'art engagé aujourd'hui, et ça m'a fait poser beaucoup de questions sur comment cela peut exister. Je me suis dit, l'art engagé, ok, mais engagé où? Engagé dans quoi? Dans une grosse entreprise, dans la police, ou il s'est marié? Eh bien oui, là, engagé est une sorte de mariage un peu bizarre. C'est comme si on essayait de lier le somptueux lyrisme de Jules à celui de Rimbaud. Pourquoi bizarre? Mais parce que souvent, l'art est défini comme inutile au sens de désintéressé. Plus précisément en philosophie, l'art est défini par Kant comme quelque chose de libre et autonome. L'âme n'a pas pour but de défendre une cause qui lui est extérieure, il est libre en soi. Et il doit produire un plaisir qui est désintéressé. Alors que la politique, en revanche, renvoie à l'exercice d'un pouvoir, c'est une action qui, elle, est concrète. Alors comment ce mariage est-il possible? Comment l'art peut-il être conciliable avec la politique? Comment une contemplation désintéressée peut-elle être ou devenir une action révolutionnaire? Bon, alors déjà, on peut dire que les deux sont plus ou moins nés en même temps, donc au niveau de l'âge global, c'est raisonnable comme mariage. Alors, il faut savoir que l'art existe depuis qu'il y a des hommes. Et la politique également, c'est ce qui nous définit en tant qu'hommes. Alors, c'est vrai que le mariage peut faire un peu polémique au niveau de l'âge, parce que les premières traces de l'art figuratif remontent à 30 000 ans avant Jésus-Christ, alors que le politique a seulement 5 000 ans. Donc voilà, et notre histoire le montre tout à fait que ce mariage existe. Elle montre depuis un bon moment. L'art a toujours eu ce côté politique engagé, que ce soit avec des auteurs comme Hugo ou Zola, que tout le monde connaît, qui ont utilisé un peu leur célébrité pour défendre une cause, ou même dès l'Antiquité avec Platon qui, dans La République, disait que l'art impacte la société car il peut soit conforter, soit déconstruire l'ordre sociétal établi. Alors la confirmation de ce mariage heureux est peut-être... on peut voir un peu partout ces petits-enfants dans nos rues avec les graphes, par exemple, qui est une sorte d'art engagé à part entière. L'art est un pouvoir, et quand il est engagé, il est une arme. La preuve, c'est bien que tous les régimes totalitaires avaient pigé qu'il ne fallait pas déconner avec l'art. Il était sous surveillance, en plus d'être très très restreint. Et la cerise sur le gâteau, les artistes étaient obligés de se soumettre, ils devaient mettre leur art à disposition. L'art était un peu utilisé un peu comme un marteau, comme ça, qui te bourre le crâne, qui te martèle la cervelle en essayant de te faire adhérer à l'idéologie du dit régime, avec des affiches de propagande ou des caricatures, etc. Comme quoi, leur engagé a marqué l'histoire, même dans ses heures les plus sombres. On peut presque se demander si l'art pour l'art, ce mouvement apparu au début du 19e siècle, qui énonçait que la valeur intrinsèque de l'art était dépourvue de toute fonction didactique, morale ou utile, ces œuvres-là de l'art pour l'art étaient vues comme autotéliques, du grec autotélès, ça veut dire qu'il s'accomplit par lui-même. On peut se demander si tel art a déjà existé. Et alors, un auteur s'est déjà posé la question, évidemment, et a déjà répondu, c'est Jean-Paul Sartre, qui nous répond que non, l'art pour l'art ne peut pas exister car l'art est forcément engagé. Pourquoi? Car selon lui, tous nos actes, même les plus anodins, témoignent d'un engagement. Car vivre, c'est agir, donc on est bien dans l'existentialisme du 20e, et agir, c'est faire un choix, et lorsqu'on choisit, on exclut l'autre possibilité, donc on pose certaines valeurs, et donc on s'engage. L'art, dans ces cas-là, est toujours engagé, car il découle d'un esprit en particulier, ici d'un artiste, qui choisit et donc qui s'engage, et l'œuvre, du coup, serait le résultat de cet engagement. Mais une question quand même reste, et je me la pose évidemment, parce que depuis tout à l'heure, on constate que cet art engagé existe, mais est-ce que c'est une bonne chose pour l'art? Est-ce que l'utilisation de l'art, le fait qu'il devienne un outil, ne lui enlève pas ne lui enlève-t-il pas toutes ses caractéristiques, à savoir sa liberté et son autonomie? Ben, je ne pense pas, car finalement l'art est toujours un moyen d'accès à la contemplation par exemple, ou alors un moyen qui va nous permettre de toucher notre sensibilité. Dans l'art engagé, c'est juste du coup sa finalité qui est touchée, elle n'est plus que esthétique. Certes, elle porte toujours en elle ce caractère esthétique, évidemment, mais elle va aussi viser le politique. Alors certains puristes, dont je fais sans doute partie, vont dire « oui, mais selon Kant, oui parce que les puristes connaissent tous Kant, le beau est ce qui plaît sans concept, le fait que l'art vise autre chose que de l'esthétique même, ça lui enlève sa raison d'être, etc. » L'art peut quand même continuer de toucher notre sensibilité et appeler à l'expérience esthétique, même lorsqu'il est porteur de messages. Et peut-être même que l'art est le meilleur moyen pour faire passer une idée, car justement, il touche notre sensibilité et notre raison simultanément. Alors que la raison est froide et sans pitié, nos sentiments, notre sensibilité font de nous des êtres humains. Alors peut-être que l'art engagé est le meilleur moyen de nous faire agir. Personnellement, quand je regarde Forrest Gump, un très beau film, ça me touche énormément, concrètement je pleure en fait. Alors que lorsque je lis un article dans un magazine qui parle du réchauffement climatique, et ben malheureusement je bade un peu 5 minutes et puis après je passe à autre chose. Parce que, comment dire, ça ne me touche pas dans mon intimité, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vécu. L'expérience esthétique se vit, se ressent, alors que la politique, non. Si ma sensibilité, mon vécu n'est pas touché, ben je bouge pas mon cul, il faut le dire. De fait, je ne m'engage pas dans ce combat. Enfin, pour en revenir à notre thème, même si en philosophie, donc en théorie, art et politique semblent un peu se faire la gueule, ça a toujours existé, alors continuons l'art engagé, et en espérant qu'un jour, nous aussi, nous nous engagerons. Merci Ambre, on va se reposer un petit peu avec un morceau très court, Canopée, Polo & Pan. FM, c'est une communauté, oui effectivement, c'est un certain esprit, oui effectivement, et je l'assume et j'en suis le digne représentant, mais au-delà, il y a des individualités, Alain, et ça, je crois que vous avez bien du mal à le comprendre, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des... À mon avis, beaucoup plus de noirs, il y a des arabes, mais oui, mais voilà. Beaucoup plus d'arabes que de... Écoutez. Non. Allez. Radio Campus Toulouse. Morceau Canopée de Polo & Pan et Hugues, tu as pris le Bonsoir. Bus et tu es là avec oui, nous. Bah oui, on est nombreux et nombreuses à prendre le bus maintenant pour aller à Campus FM, c'est fini, les trajets à pied dans le centre-ville. Du coup, moi je vais vous parler d'un concert qui a lieu demain soir au Taquin. Le Taquin, c'est un club de jazz, enfin plutôt orienté musique jazz, mais pas seulement, qui est 23 rue des Amis Donniers à Toulouse, c'est l'ancien Mandala. Et donc ce concert, c'est le Etenesh Wassier Trio. et Ténèche Wassier, c'est une chanteuse éthiopienne. Le musicien qui l'accompagne avait déjà travaillé avec elle dans le cadre d'un duo qu'ils formaient tous les deux, c'est Mathieu Sourisseau. Et là, donc, dans le cadre de ce trio, ils sont aussi accompagnés de la violoncelliste Julie Ladrache. Donc, comme j'ai dit, demain soir, vendredi 1er décembre, ils seront en concert au Taquin. C'est organisé par Bungalow Prod, donc une nouvelle association toulousaine tournée vers les musiques du monde et plus particulièrement celles du continent africain. Donc, comme je l'ai dit, trio récent, en dehors d'une résidence artistique qui a eu lieu à Fezin en région Rhône-Alpes et d'un concert à Lyon, la formation ne s'est encore jamais produite comme telle sur les scènes de Toulouse. Donc même si on a déjà pu voir et écouter cette chanteuse et ce bassiste qui joue de la basse acoustique, puisqu'ils avaient enregistré un disque ensemble en 2010 qui s'appelait Bello Bello. Pour vous parler rapidement de ce musicien Mathieu Sourisseau, qui à la base est aussi guitariste, il a travaillé pour plusieurs groupes, enfin il a été membre de plusieurs groupes plutôt jazz, et notamment le Tigre des Platanes, qui est un groupe qui a été largement influencé par la musique éthiopienne et qui est un groupe de Toulouse. C'est bien de le faire remarquer puisque c'est quand même une formation qui a eu une aura au niveau national. Pour en ce qui concerne la chanteuse Ethénèche Wassier, elle est née dans les années 70, au début des années 70 me semble-t-il, à Gondar, en Éthiopie, elle a une voix envoûtante et profonde, et puis voilà, c'est quelqu'un qui a pas eu peur, j'ai l'impression, de faire une sorte de lien entre tradition et modernité, puisque donc déjà à l'époque où elle formait ce duo avec Mathieu Sourisseau, il y avait déjà un côté un petit peu plus sombre de ce qu'on pouvait retrouver dans la musique populaire éthiopienne des années 60-70, celle de Mulatu Astatke ou de Mahmoud Ahmed, qui était une musique quand même très influencée par le jazz et la soul, mais qui en même temps avait cette touche, ce parfum éthiopien qui a séduit énormément de monde depuis quelques années, puisque c'est une musique qui a été redécouverte grâce notamment aux compilations éthiopiques concoctées par le français Francis Falsetto. Et Ethénèche Wassier, chanteuse éthiopienne active maintenant depuis plusieurs années sur les scènes françaises et au-delà, et donc je vous invite à aller voir demain soir au Taquin, qui sera bien entouré, et je sais pas trop ce que je peux rajouter à ça, si ce n'est que on va écouter un extrait donc de qui est enregistré durant cette résidence artistique donc à Fezin en Rhône-Alpes, et le morceau c'est Tezeta, et donc c'est un titre assez culte donc de la musique éthiopienne, et Tezeta ça veut dire nostalgie en amharique. Samadur kumahedin Voilà, vous avez pu avoir un aperçu de la belle voix envoûtante et profonde trop de Etenech Wassier, que vous entendez encore là en ce moment même en fond. Donc je rappelle, elle sera en concert demain donc avec son trio accompagné de Mathieu Sourisseau et Julie Ladrache au Taquin 23 rue des Amidoniers à Toulouse. Et donc c'est organisé par Bungalow Prod et le concert c'est 7€ en pré-vente et 10€ sur place. Si vous avez la possibilité d'y aller, ne ratez pas ce rendez-vous musical exceptionnel. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à Franck Lubet de la Cinémathèque de Toulouse et puis merci à Ambre. Merci à toi. Merci Edgar. Oh, tu n'as pas de micro pour nous dire au revoir. Mais merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci à vous. Et merci à François à la relation technique de l'émission. Merci Cisco. Yes. De rien. Alors, vous pourrez bien sûr écouter de nouveau cette émission que vous avez adorée en podcast à retrouver sur le www.campusfm.net dès demain, je suppose, et surtout les réseaux sociaux de la radio. Le prochain rendez-vous de Rien à voir quoique, c'est dans 2 semaines, jeudi 14 décembre à 18h. Vous serez là ? Bah, bien sûr. Ouais. Oui. Edgar confirme, Edgar confirme. Et alors, demain, le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Le thème de cette année est le droit à la santé. L'occasion d'aller voir le film 120 battements par minute de Robin Campillo qui raconte le militantisme de l'association ACT UP à Paris autour de leurs actions pour lutter contre l'indifférence générale au début des années 90. Ça se joue encore à Toulouse, notamment à l'Utopia. Et puis, culture et littérature obligent d'en rien avoir quoique. C'est aussi l'occasion pour ce 1er décembre d'emprunter à la médiathèque le roman Positif de Camille Genton, sorti en septembre dernier aux éditions Jean-Claude Lattès. Voilà. On se quitte avec le morceau Shalom par le groupe Cliché, décontracté dans le gazon. On écoute des 45 tours. Restez branchés sur les ondes de Campus FM avec dans une minute Open Close. Nos murs, nos gosses à l'air.